jour je te dis qu'il faut faire du bien, qu'il faut aider les autres et leur donner la main. Faut toujours être poli et jamais s'emporter, ouais. Ne jamais lâcher de crier et jamais se disputer, mmh. Et sois tolérant tout le temps quand tu reprends les gens. Faut le faire doucement, sois toujours tempérant. Pas être vexant, agir comme un tyran. Faut être plus intelligent et pas le faire souvent. Et si moi ça je le fais pas, que vas-tu penser? Que j'aurais dû me taire au lieu de te parler. C'est vrai, t'auras bien raison. Pour qui est-ce que je me prends? Au lieu de conseiller les gens, faut que je revoie mon comportement. Si tout ce que je dis et tout ce que je fais sont deux opposés, quand je vais me mettre à parler, pour qui je vais passer? Faut que je parle avec mes actes plutôt qu'avec mes mots. Il y aura beaucoup plus d'impact et ça sonnera moins faux. Que le Seigneur nous donne la grâce de veiller sur ce qu'on fait. Faut que notre comportement soit toujours plus parfait. Car les actes témoignent beaucoup plus que les paroles. Ce qu'on dit et ce qu'on fait, faut toujours que ça colle. Que le Seigneur nous donne la grâce de veiller sur ce qu'on fait. Faut que notre comportement soit toujours plus parfait. Car les actes témoignent beaucoup plus que les paroles. Ce qu'on dit et ce qu'on fait, faut toujours que ça colle. Maintenant, je m'adresse aux pères qui habituellement fument et consomment de la bière devant leurs enfants. Qui disent attention, de ça je vous défends. Avec l'alcool ou du tabac, que je vous y prenne pas. Avec une cigarette et un verre dans la main, tu lui dis fils, faire tout ça c'est pas bien. Mais comment tu veux qu'il t'écoute si toi-même t'arrêtes pas? Peut-être qu'à cause de toi un jour il ira au bureau de tabac. Comme le grand frère qui dit au plus petit qu'il faut qu'il étudie s'il veut réussir sa vie. Alors qu'il est chez lui et n'a rien fait de la sienne. Il est toujours couché au lit et à sa mère fait de la peine. Comment voulez-vous que le petit frère fasse ce que le grand dit? Quand il ne voit rien faire, il se dit moi je fais comme lui. Alors qu'est-ce que le plus grand doit faire pour sauver le petit? C'est assumer d'être le grand frère et d'abord changer lui. Que le Seigneur nous donne la grâce de veiller sur ce qu'on fait. Pour que notre comportement soit toujours plus parfait. Car les actes témoignent beaucoup plus que les paroles. Ce qu'on dit et ce qu'on fait, faut toujours que ça colle. Que le Seigneur nous donne la grâce de veiller sur ce qu'on fait. Pour que notre comportement soit toujours plus parfait. Car les actes témoignent beaucoup plus que les paroles. Ce qu'on dit et ce qu'on fait, faut toujours que ça colle. Tous les parents pour qui ne se disputent jamais, jamais devant leurs enfants. Pensez à les faire, vous devez donner l'exemple et qu'il soit parfait. Car l'attitude de vos enfants de vous sera le reflet. Prenez soin en fait de, par votre mode de vie, de transmettre à vos enfants les valeurs essentielles. Je parle de la foi en Dieu et du respect mutuel. Vous serez fiers d'eux, vous aurez la vie belle. Tous les grands frères pour qu'ils ne ramènent jamais la police à la maison, qu'ils voient donc les faits. Sur leur petit frère qui prend exemple avec grand respect. Sur le grand frère qui est le modèle et qui est parfait. En conclusion pour en finir, c'est qu'il y a une certitude. C'est qu'on peut influencer les autres par notre attitude, alors qu'elle soit bonne et qu'avant d'agir on raisonne. Faut toujours penser aux plus jeunes et à l'exemple qu'on leur donne. Que le Seigneur nous donne la grâce de veiller sur ce qu'on fait. Pour que notre comportement soit toujours plus parfait. Car les actes témoignent beaucoup plus que les paroles. Ce qu'on dit et ce qu'on fait, faut toujours que ça colle. Que le Seigneur nous donne la grâce de veiller sur ce qu'on fait. Pour que notre comportement soit toujours plus parfait. Car les actes témoignent beaucoup plus que les paroles. Ce qu'on dit et ce qu'on fait, faut toujours que ça colle.